Cependant, la terrasse du café, Panis parle gentiment à Fanny. Tu viens pas là, Fanny. Tu dois aller voir un docteur. Oh, vous connaissez ma mère. Si je parle d'aller à un docteur, elle me croira perdue. Mais qui t'empêche d'y aller toute seule? Va chez le docteur Venel. Mon docteur, c'est un bon papa. Vas-y, l'après-midi. Si tu veux, je te donnerai des sous. Non, merci, Panis, j'en ai. Parle pas comme ça, va. Il y a sûrement beaucoup de choses pour toi dans cette lettre. Oh non, je ne crois pas. Ouais, tu ne le crois pas, mais tu l'espères. Hein, c'est bête, l'amour, tout de même. C'est pas bête, mais c'est mauvais. Ne t'inquiète pas, va. César est en train d'apprendre la lettre par cœur dans sa cuisine. Et avant ce soir, il va la réciter à tout Marseille.